Retour à Killybegs, de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Troisième épisode. Killybegs, décembre 2006. Se sachant condamné par ses frères d'armes, Tyrone Meehan, 81 ans, républicain irlandais, membre de l'IRA depuis son plus jeune âge, se réfugie dans la maison de son enfance pour y attendre la mort. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. Belfast, mars 1942. Pour l'instant, dans notre local, assis par terre ou adossé au ring, j'étudiais. J'avais quitté l'école catholique pour rejoindre l'enseignement républicain. Des professeurs allaient de common en common pour éduquer les finas. J'avais tout à apprendre de l'histoire de notre pays. Si je savais les grandes dates et les noms glorieux, c'était sans en saisir le sens. Mon credo était enfantin. Brits out, les Britanniques dehors. Ce jour-là, nous étions tendus et le groupe divisé. Depuis une heure, notre professeur nous expliquait que notre parti, notre armée, notre peuple n'étaient pas concernés par la guerre qui saccageait l'Europe, mais que peut-être nous avions quelque chose à y gagner. Mais souvenez-vous de ce que James Connolly a dit en 1916. Nous ne servons ni le roi, ni le Kaiser, mais l'Irlande. Le jour de Pâques 1916, alors que les Britanniques se battaient aux côtés des Américains et des Français dans les tranchées de la Somme, alors que les protestants d'Irlande du Nord avaient rejoint en masse l'armée du roi, hachée par milliers en première ligne, les républicains irlandais se rebellaient au cœur même de Dublin. Une poignée de braves, les armes à la main. La prise de la Grande Poste par les insurgés, la déclaration d'indépendance proclamée sur ses marches, la répression féroce, l'écrasement, le poteau d'exécution pour nos chefs, un à un. Ce feu mal éteint allait incendier le pays tout entier. Les Britanniques nous ont accusés de leur avoir planté un couteau dans le dos. Ils nous ont accusés de trahison. Mais trahir qui? Trahir quoi? Nous ne sommes pas alliés avec eux, mais occupés par leurs soldats, torturés par leurs policiers, emprisonnés par leur justice. Cette guerre qui les affaiblit nous renforce. Mais n'y a-t-il pas de différence entre 1916 et 1942? Entre une boucherie impérialiste et une guerre mondiale? Entre le Kaiser Guillaume II et Adolf Hitler? L'IRA, comme toute l'Irlande, ne devrait-elle pas rester neutre? Tu veux donner des leçons à l'IRA, Danny? Notre rôle, ce n'est pas de critiquer, mais d'obéir. Le conseil de l'armée, le commandement du Nord, le comité central du parti savent ce qui est bon pour l'Irlande. Et qu'est-ce qui se passera si un combattant de l'IRA tue un soldat américain par erreur? Vous pouvez me le dire. Et pourquoi l'IRA tuera un américain? Parce qu'ils sont 30 000. Parce qu'ils sont partout. Dans les villes, à la campagne. Vous imaginez? Un combattant républicain qui se trompe de cible. Un hogla qui vise un soldat anglais et descend à Yankee qui distribue du chocolat et des biscuits aux gamins. Tu vois trop de films, Danny. Mon père était socialiste et républicain. Il voulait combattre les franquistes en Espagne. Aujourd'hui, Franco et Hitler sont main dans la main et nous sommes où? Tyrone, tu sais qui était le chef de la colonne Connolly des brigades internationales? Frank Ryan, madame. Mon père voulait le rejoindre. Eh bien, tu sais où il est, Frank Ryan, aujourd'hui? Non. Emprisonné en Espagne? Ou mort? À Berlin. Il est à Berlin. N'oubliez jamais ça. Un problème posé à la Grande-Bretagne est une solution apportée à l'Irlande. J'étais sidéré. Lui, Frank Ryan, le socialiste, l'internationaliste, le rouge, à Berlin. Nous étions des gamins. Je regardais le visage de mes amis. Nous voulions nous battre pour la liberté de notre pays, honorer sa mémoire, préserver sa terrible beauté, peu importait nos pactes et nos alliances. Nous étions prêts à mourir les uns pour les autres, mourir, vraiment. Et certains d'entre nous allaient tenir promesse. Je n'ai plus posé de questions, et Dany a gardé les siennes. Lui et moi allions faire la guerre aux Anglais, comme nos pères la faisaient, et nos grands-pères l'avaient faite. Poser des questions, c'était déjà déposer les armes. Mon oncle Lawrence est mort le jour de la Saint-Patrick. Un toit a brusquement cédé sous son poids. Le jour de son enterrement, j'ai eu l'impression que toute l'Irlande était là. Derrière le joueur de cornemuse en kilt safran, maman ouvrait la marche, une maigre couronne entre les mains. Ensuite allaient Roisin, Mary, Anya, petit Kevin, Brian, Neil et Shane. Moi, je portais bébé Sarah, au premier rang des hommes. J'avais 17 ans. Lawrence Finnegan n'appartenait pas à l'IRA, mais le mouvement lui avait fait l'honneur du drapeau. Nous étions des centaines. Shana et Tom Williams ont aidé à soulever le cercueil. Je marchais avec les voisins, les amis, les anciens prisonniers. Je suivais les soldats de l'IRA, trois longues colonnes noires étirées sur l'avenue. J'étais fier de cette foule, heureux d'appartenir à la fois au Meehan et au Finnegan. Fier aussi de marcher dans les pas de l'officier Williams, mon chef. Ce soir-là, il est venu me parler. Ma sœur Mary est morte d'une méningite quand elle avait 3 ans. Et ma mère est morte à 29 ans, alors qu'elle accouchait d'une petite fille, qui est morte à son tour 6 semaines plus tard. Et tu veux que je te dise, Fina, c'est la faute à la misère, pas la faute à la vie. Tous les hommes sont au chômage dans notre quartier. Il n'y aura jamais de travail pour nous dans ce pays. On peut compter que sur nous-mêmes, sur nous seuls. Pour sûr, Tom. Pour sûr. Cigarette ? Il m'en a tendu une entre 3 doigts. La première de ma vie. Il n'avait que 2 ans de plus que moi, mais je n'arrivais pas à lui reconnaître cette jeunesse. Tom Williams avait le visage marqué et le regard d'un veuf. Jamais je n'entendrai autant de blessures dans la voix d'un autre homme. Écoute, Tyrone, les Britanniques ont interdit tout rassemblement le dimanche de Pâques. Mais on a décidé de désobéir. Personne ne nous empêchera de célébrer l'insurrection de 1916 et de rendre grâce aux héros de la République. Et si la police intervient, qu'est-ce qu'on fera ? T'inquiète pas. Ils seront occupés ailleurs. Par quoi ? L'IRA prépare autre chose. Et dis donc, tu veux notre organigramme aussi ? Non, Tom, mais... Chacun son rôle. Tyrone Meehan. Salut, Fina. En face, deux Hogla ont quitté leur mur d'obscurité pour protéger ses pas. J'ai regardé Tom s'éloigner dans Bombay Street avec 3 ombres pour lui seul. Il sifflait « God save Ireland ». J'ai serré le sweater blanc. J'ai eu peur pour nous tous. Le dimanche de Pâques, le mouvement avait prévu 3 processions illégales à Belfast, protégées par les Fina en uniforme. Maman nous a habillés pour la messe. Mon uniforme était caché sous la couverture de Sarah, dans la poussette. La rue était déserte et tendue. Dans les ghettos nationalistes, les portes amies s'ouvraient aux scouts rebelles. Nous nous préparions 2 par 2, dans les arrière-cours, cachés dans les penderies, les établis, les préaux d'école, les réduits de pub. Lorsque nous sommes arrivés devant l'épicerie Costello, Sheila a ouvert la porte. Je me suis glissé à l'intérieur. Danny Fenley s'habillait en silence en haut des escaliers. Assise sur les marches, Sheila Costello me regardait enfiler mon short. Je rougis. Je l'aimais. Mais les temps étaient trop timides pour oser. Et la ville savait tout de ses enfants. En face, 2 portes se sont ouvertes et 4 scouts sont apparus. Nous sommes sortis à notre tour. Nous étions 10. et une autre dizaine en face, qui sortaient de l'impasse. Et d'autres encore, qui arrivaient par Kashmir Road. Nous nous sommes mis en marche vers Falls Road. Je tremblais. C'est idiot. J'avais tant rêvé de cet instant héroïque. Moi, Taran Meehan, défilant en uniforme et au pas. Voilà que j'avais peur. Ou froid. Je ne savais plus. Sheila nous suivait. Dans un sac, elle portait nos vêtements civils. Chaque scout était suivi à distance par une mère, une sœur ou une amie. Quand nos drapeaux sont apparus, j'ai eu les larmes aux yeux. Un rire de joie, des cris plein le ventre. Le tricolore de notre République était immense. Je n'avais encore jamais vu le vert, le blanc et l'orange flotter librement sous ce ciel. L'étendard des Fina était superbe, frangé d'or, avec son soleil éclaboussé d'azur. Un garçon portait les couleurs nationales, une fille l'emblème des Fina. Nous occupions la rue. Nous l'avions arrachée aux soldats anglais. Nous l'avions enlevée aux bombardiers allemands. Elle était irlandaise, cette rue. Reconquise par des gosses habillés en soldats. La population attendait sur les trottoirs devant les portes. Autour, des hommes de l'IRA en civil donnaient des ordres brefs. Quand les drapeaux ont avancé, la population nationaliste est arrivée de partout. Des femmes, des enfants par centaines, des hommes, des vieillards qui se prenaient pour des officiers, ordonnant aux gamins de mieux former les rangs. Notre ordre était de protéger la foule. Des loyalistes de Shanghill à quelques rues de là, et des soldats britanniques s'ils se montraient. Des hommes plus âgés portaient des crosses de hurling dans des sacs de chantier, des bâtons cloutés, pas d'armes. C'était pour nous défendre, pas pour attaquer. Soudain, arrivés à l'angle de Conway, deux hommes se sont adressés à la foule. Quittez la marche, regardez les trottoirs, tout de suite! Non, ne rentrez pas chez vous! Si vous êtes isolé, mettez-vous en vous! Que s'était-il passé? Pourquoi arrêter la marche au milieu de la commémoration? Sheila est arrivée en courant. Elle a déversé le sac de nos habits sur le trottoir. Nous lui avons passé nos uniformes, puis nous nous sommes précipités pour rejoindre les autres. Les Brits ont capturé Tom et 5 hommes de la compagnie C. Hein? Tom et ses soldats ont ouvert le feu sur une patrouille de police dans Kashmir Road. Tom a été blessé. Nos hommes se sont dispersés en profitant des portes laissées ouvertes, mais un policier est entré de force dans une maison. Il a été abattu. Mais Danny, c'était pas n'importe quel policier, c'était Patrick Murphy. On le connaît tous. Il nous a vu grandir, c'était presque un des nôtres. C'était un salaud de policier. Pas d'accord. Il faisait comme il pouvait pour nourrir sa famille. Il laisse 9 gosses. Un putain de traître, je vous dis. Prêt à nous tirer dans le dos. Mais quand même, il était catholique. Il était de notre chair. Regarde-moi dans les yeux, Tyrone. Mieux que ça. Droit dans les yeux. Tu vois quoi, hein? Un tueur d'Irlandais? Reprends-toi, Fina, t'as rien compris ou quoi? Faut-tout que je réexplique? C'est pas une guerre entre protestants et catholiques. Wolfstone, le père du républicanisme, c'était un protestant, et alors? Et quelle différence? Un protestant peut rejoindre l'IRA, un catholique peut se déguiser en soldat du roi, et alors? C'est qui notre ennemi? Le protestant de l'IRA ou le catholique sous l'uniforme britannique? Contre qui devons-nous combattre? Tu comprends ça, Tyrone Meehan? Tu te bats pour la République irlandaise, pas pour Rome. Tes curés, tu les as laissés de l'autre côté de la frontière. Alors ne mélange pas tout, s'il te plaît. Écoutez tous, dans la police royale, il y a moins de catholiques que je n'ai de doigts cette main. Celui qui s'engage connaît les risques. Murphy sera un exemple. Nafina Erin, garde à vous! Nafina Erin. À genoux. Un seul mouvement, grave et digne. Tous ensemble sur le ciment. Danny s'est agenouillé à son tour. Il a fermé les yeux. Et nous avons prié pour l'âme grise de Patrick Murphy. Les 6 combattants de l'IRA qui avaient été arrêtés ce jour-là ont été condamnés à mort. Mais seul Tom Williams a été exécuté. Devant les juges, mon ami a revendiqué le commandement de l'opération et la paternité des tirs mortels. Alors qu'il avait été blessé, qu'il suffoquait, terrassé par une crise d'asthme, alors qu'il avait lâché son arme et qu'il n'avait même pas tiré, il avait tout assumé. Le gouvernement irlandais a appelé à la clémence. Le Vatican a espéré en vain un geste de miséricorde. Tom a été pendu à 19 ans, le 2 septembre 1942, dans la cour de la prison de Crumlin à Belfast. Enterré comme un chien, dans l'enceinte même, en terre captive, sans croix, sans plaque. Les Britanniques nous privaient de son corps. Le père Allen nous a raconté les derniers instants de Tom. J'ai rencontré le plus brave des braves. Il a marché sans une hésitation vers l'échafaud. Le seul qui tremblait, c'était Thomas Pierpont, le bourreau. Ne priez pas pour Tom Williams, mais demandez-lui de prier pour vous. Car Tom est maintenant un saint au paradis. Et il sifflait « God save Ireland » en allant à la mort. « God save Ireland », notre vieil hymne national. Celui que nous chantions en famille, dans les pubs, dans les manifestations, dans les stades. Celui que nous fredonnions en croisant les patrouilles britanniques. Celui que nous gueulions à perdre haleine, des cailloux plein les mains. En octobre 1942, mon frère Shaina a été interné. Pas de charge, pas de procès, pas de sentence. La mise à l'écart des fortes têtes. Le 3 janvier 43, ça a été mon tour, et celui de Danny Fenley. Ils sont venus en pleine nuit. J'ai roulé dans les escaliers, tiré par les cheveux et le col de ma chemise. Je dormais habillé, je les attendais. Petit Kevin pleurait. Brian et Neil pleuraient. Bébé Sarah hurlait dans son berceau. Un policier m'a frappé l'œil à coup de crosse de fusil. Il a cogné ma main, au bras, au visage, pour lui faire lâcher prise. Elle est tombée, les mains devant la bouche. Maman, à terre. Mon premier vrai cri de vengeance. Elle avait arraché son chapelet, elle me le tendait à deux mains. Elle hurlait à la Vierge, tandis qu'il m'emmenait, avec Danny et quelques autres. Ils nous ont jetés dans un camion. Ils ont tiré au fusil sur les fenêtres. C'étaient les Bispachons, les pires de tous, les assassins de notre peuple. Nous sommes arrivés à la prison de Crumlin en fin d'après-midi. 10 Irlandais, chevilles et poignets entravés, marchant les uns derrière les autres dans les couloirs. Danny et moi étions les plus jeunes. C'était dans cette prison que le corps de Tom Williams avait été profané. On m'avait décrit le lieu. Des murs de briques barbouillés de gris blanc, la peinture malade en lambeaux cloqués, souillés de doigts, de semelles et d'humide, le sol de tomettes rouges, les coursives métalliques, les passerelles, les escaliers de fer en colimaçon, les plafonds voûtés, les couloirs étroits et infinis, nos cellules aux portes noires. Je savais tout cela, mais je n'avais imaginé ni le bruit, ni l'odeur. Et puis, tout sentait l'homme malade. Sa sueur, son haleine, sa crasse, sa nourriture, sa merde, sa pisse. En arrivant dans l'élevée de la prison, j'ai porté les mains à mon nez, tirant la chaîne des autres. Les pianards recrutent dans les crèches maintenant ? C'est la plume, cochon d'Irlandais ! Hein, Tyrannel ? Ne réponds pas, Tyrannel. Ta mère, ça sent un peu comme ça entre les cuisses, hein ? C'est un coche ! Laisse-le respirer ! Les matons se sont jetés sur le prisonnier qui venait de prendre ma défense. Nous sommes tombés. Ils frappaient en nous crachant dessus. D'autres sont accourus en braillant, matraque levée. Ils ont formé deux haies, dos au mur, avec nous au milieu. Ils frappaient, tous ensemble, en même temps, comme une allée de bûcherons. J'avais du sang dans la bouche, les oreilles en flammes, le nez écrasé. J'ai pensé au coup de mon père. Il eut un coup de sifflet brusque. Deux gardiens nous ont jeté une bassine d'eau glacée. Nous étions pêle-mêle au milieu du corridor. Un amas de chair et de cordes. Nous sommes restés comme ça toute la nuit. Entassés sur le béton poisseux. J'étais couché sur le dos. Le pied d'un gars contre la gorge. La joue d'un autre contre ma joue. Et le poids mort de Danny tombé sur mes jambes. Quelqu'un avait vomi. J'ai fermé les yeux sans dormir. Je tremblais. Tyrone. Tyrone, tu m'entends? Danny. Oui. Alors voilà. C'est une unité de l'IRA qui tombe en embuscade à une patrouille anglaise dans les campagnes de Cross Maglem. Les brides se passent toujours à 17h. À 17h10, c'est toujours rien. Et là, il y a le commandant Paddy qui regarde sa montre et qui dit... Merde. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. J'ai récité le Notre Père en gaélique. Et Tom Williams priait avec moi. Le lendemain, on m'a conduit dans une cellule. Seul. Dans mes 3 mètres sur 2. Un lit en fer, une table de chevet, une tinette et une cuvette. 2 crochets au mur pour mes habits. Un plafond voûté de briques peintes en crème. Un sol couleur sans cahier. Une lucarne haute qui épuisait le jour. Mon premier cachot. Et mes premières larmes. Elles attendaient un signe de moi. Depuis mon arrivée, j'étais trop occupé par la fierté et la douleur. Mais une fois la porte close et les murs refermés sur moi, je n'avais que 17 ans. Plus Fina, plus républicain, pas même irlandais, soldat de rien ni personne. J'ai pleuré, couché sur mon lit. Genoux relevés contre ma poitrine et main croisée sous le menton. À cet instant, j'ai compris que ma vie suffoquerait entre ces murs captifs et ma rue barbelée. J'entrerai, je sortirai, jusqu'à mon dernier souffle. Main libre, entravée, libérée de nouveau pour porter un fusil en attendant les chaînes. Sans savoir si la mort me prendrait dehors ou dedans. C'était Retour à Quilibegs de Sorge Chalandon avec Marc Barbet, Léo Allard, Valérie Moinet, Ferdinand Pierrot, Corinne Juresco, Bachir Kili, Tom Boyaval, Serge Noël, Thomas Pontier. Merci au capitaine Basso et au personnel du camp de gendarmerie de Benne. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Retour à Quilibegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions. The lads were sleeping. Humpy Gussie was creeping as I lay there weeping for my gal Sal. And the old triangle went jingle. In the female prison. There are 75 women. 'Tis a man.